Bonjour, bonsoir, vous êtes là? Bien. Et si vous êtes là, nous allons pouvoir tout simplement commencer cette émission. C'est un rendez-vous que nous avons ensemble, vous et moi, moi avec vous et vous avec moi. Ce rendez-vous, c'est le mercredi, le dimanche, mais aussi le lundi. Voilà, de quoi passer, je l'espère, un agréable moment avec des chansons que l'on connaît, bien sûr, mais qu'on aime à réentendre. Et puis surtout, ne pas oublier ce poumon. Vous savez, cet instrument qu'on appelle parfois le soufflet, qu'on appelle parfois le poumon. Eh oui, l'accordéon, tout simplement, pour que celui-ci puisse encore vivre bien longtemps. En tout cas, tant que nous sommes là, celui-ci vivra. La preuve. Chez Pierrette, c'était de beau le mardi au relais chez Pierrette. On peut même écouter un air d'accordéon, car dans la famille il y a un sacré champion. Oui, c'est comme ça tous les jours au relais chez Pierrette. Un bon conseil, faites comme moi, rendez-vous là-bas.

Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Eh bien, c'est bien. On continue? Ça vous plaît? Bien. Allez, on continue alors. C'est parti. On va... un petit slow sur un air que vous aimez et que vous entendez bien souvent. En principe, c'est l'ami Enrico Macias qui nous la chante, celle-ci. Pour l'occasion, c'était l'accordéon d'Aurélien Schneider, Les gens du Nord. Un petit tour en Espagne avec un petit rendez-vous. Ça fait partie de cette ambiance que nous aimons. We'll be right back.

petite dédicace pour Henriette. Pour Henriette qui m'a demandé Luc Sandro. Luc Sandro, c'est une légende. Vous l'avez connu, vous l'avez apprécié. Ou pas d'ailleurs, parce que parfois il était, il était assez, comment dire, il était assez coquin, on va dire ça comme ça, pour être très très très gentil. C'était un super pote, un super garçon que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a appris beaucoup aussi en même temps. Donc voilà, pour dire tout ça, que Henriette, en choisissant Luc Sandro, pour une dédicace, pour sa dédicace personnelle, eh bien, ça me touche. Ça me touche parce que, encore une fois, c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'ai apprécié énormément. Malheureusement, vous le savez, Sandro est parti dans les étoiles, comme on dit. Et nous l'avions reçu un jour avec l'ami Sergio Della Longa. Et puis, comme ça, de temps à autre, dans notre studio, eh bien, il se donnait à une chanson. Et là, c'était de l'improvisation. Hein. Et là, on lui avait demandé de chanter, de nous jouer Marina, au son de son biniou, comme on dit, hein, au son de sa guitare, au son de sa mandoline. Alors pour vous, ma chère Henriette, eh bien, Luc Sandro, avec Marina, que nous avons... le plaisir d'interpréter avec Serge au chant. Serge. C'était la mandoline de notre ami Sandro avec, c'était un folklore pas possible ce jour-là, un folklore pas possible. Avec Sandro, c'était toujours le folklore d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup Henriette pour cette dédicace, pour vous personnellement et en même temps un petit peu pour moi aussi. Je vous en remercie très sincèrement. On continue, on y retourne en Espagne. Allez, c'est parti. We'll be right back. et quand c'est fini, ça recommence, mais ça recommence avec, avec ceci. Eine rote Rose schenk ich dir. Eine rote Rose sagt dir, ich brauche dich. Eine rote Rose von mir. Ohne dich war mein Leben so einsam und leer, so einsam und leer. Dir werd ich alles geben, dir werd ich alles geben, weil ich dir nur gehör, weil ich dir nur gehör. An dich muss ich immer denken, an dich muss ich immer denken. Ich wollt, du wärst immer da, ich wollt, du wärst immer da. Ich möchte dir alles schenken, ich möchte dir alles schenken. Dann wärst du mir immer nah, dann wärst du mir immer nah. Eine rote Rose sagt dir, ich liebe dich. Eine rote Rose schenk ich dir. Eine rote sagt dir, ich brauche dich. Eine rote Rose von mir. Verlieren. Ich möchte dich niemals verlieren. Will mit dir leben zu zweit. Will mit dir leben zu zweit. Ich möchte die Liebe spüren. Ich möchte die Liebe spüren. Und deine Zärtlichkeit. Und deine Zärtlichkeit. Ich wünsch mir, dass wir uns finden. Ich wünsch mir, dass wir uns finden. Ich bin dazu bereit. Ich bin dazu bereit. Und uns auch ewig verbinden. Und uns auch ewig verbinden. Ich will Geborgenheit. Ich will Geborgenheit. Eine rote Rose sagt dir, ich liebe dich. Eine rote Rose schenk ich dir. Eine rote Rose sagt dir, ich brauche dich. Eine rote Rose von mir. Loin des taches de tout, au milieu des bergers, moi le bouffon, le fou, j'ai inventé une île où je vis en exil. J'invente et j'imagine des amours clandestines. Là, j'ai hissé ma voile à deux pas des étoiles, comme le font les amants. Je rêve et je l'attends. Je la rêve si fort que je peux la toucher. Je sais que vous riez en me voyant passer. Et je l'aime en secret. Je l'attends tous les soirs. Quand je ferme les yeux, c'est elle qui vient vers moi. Elle me donne sa bouche, puis me prend tout entier. Dans mon cœur, elle fait mouche, me fait parfois pleurer. Quand je l'aime en secret, ne me bousculez pas. Je suis bien dans ses bras, ne me réveillez pas. Je la rêve si fort que je peux la toucher. Elle est là sur mon corps, je l'entends respirer. Car je l'aime en secret. À travers les fenêtres, vous m'y verrez peut-être. J'arrange et puis j'apprête pour elle notre maison. Je la vois déjà dedans. J'entends des rires d'enfants. Je sais que vous riez, ce n'est pas important. Et je l'aime en secret. Je l'attends tous les soirs. Quand je ferme les yeux, c'est elle qui vient vers moi. Elle me donne sa bouche, puis me prend tout entier. Dans mon cœur, elle fait mouche, me fait parfois pleurer. Car je l'aime en secret, c'est mon amour à moi. Elle est tout ce que j'ai, surtout n'y touchez pas. Je mettrai le feu aux églises, et puis au champ de blé. Je ferai toutes les bêtises si vous me la prenez. Elle est tout ce que j'ai. Oui. Je l'aime en secret. C'est mon amour à moi. Elle est tout ce que j'ai. Surtout, n'y touchez pas. Bye.

Allez, on va terminer en douceur. Terminer, attention, cette première partie de l'émission. On va la terminer au son de la guitare d'amour. Ça vous dit ? C'est parti. Soir en émoi, va lui chanter pour moi la chanson de mes rêves. Guitare d'amour, pour être heureux le temps est si court. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Continuez tout tranquillement cette émission, ce rendez-vous que l'on se donne le mercredi, le dimanche et le lundi. On va rester encore ensemble, oh oui, au moins 55 minutes, et avec le quart d'heure italien dans un grand moment, bien sûr, que nous allons apprécier. Pour l'heure, on repart avec Corinne Sauvage et Didier Barbelivien et Félix Gray et Vadovia. Il pleut dans le ciel d'Italie,

regalerò la solitudine che m'hai lasciato tu in fondo all'anima. Dimenticarti vorrei, ma ho nostalgia di te. Passano gli anni, ma tu sei qui, sempre qui nel mio cuore. Quei baci chi li dimentica? Ce sont des bons souvenirs, Wanda, hein, avec ces caresses que Marcel eh bien, avait à des moments, comment dire, voilà, quelque chose de tendre, une tendresse que l'on apprécie et que l'on aime. Voilà, c'est pour vous les deux amoureux, n'est-ce pas? C'est de la part d'Henriette. L'amore che vorrei. Nel parco di città un uomo a testa china da solo se ne sta. Nel vuoto in un giornale compagno ormai sarà, e il giorno passa uguale a quello che verrà. Dentro al cuore e il giorno è solo sera, ma nei tuoi occhi ancora c'è tanta primavera. Fuori dal cancello c'è un mondo. scoprire. Sarebbe tanto bello un nido anch'io trovare. Ho tanta gioia in cuore che la vorrei donare. È il mutuo immenso amore. Vorrei poterlo urlare. Voilà, il y a comme ça, bien tout simplement, des chansons qui nous rappellent des moments de notre vie. Des moments de notre vie qui nous reviennent en mémoire à l'occasion, bien tout simplement, de moments où on pense encore à celles et ceux qui nous sont quittés, qui nous ont quittés, qui sont partis, qui sont dans les étoiles. Françoise avait une amie. Françoise de Champfromier avait une amie. Elle se prénommait Herminia, Herminia Scotton. Elle est partie dans les étoiles. Et Françoise a beaucoup de peine parce que les souvenirs lui reviennent, les souvenirs des bons moments passés en sa compagnie. Aussi, elle envoie cette chanson dans les étoiles. À Herminia. Merci Françoise. Canzone mia, c'est pour Herminia Scotton. Ogni volta che canto io vorrei regalare a qualcuno un momento sereno, perché la gente ha bisogno di musica fatta con semplicità, un po' di poesia e una semplice storia d'amore. Ed allora io canto la gente e canto col cuore. Canzone, tu che sai regalare emozioni a chi cerca un momento felice e senza pensieri. Canzone, racconti le storie d'amore e ricordi le cose più belle di oggi e di ieri. Canzone, una lacrima

potrei donarti i miei occhi, solo se mi guarderai. Innamorata come non sei stata mai. Potrei lasciarti il mio cuore, solo se tu ne farai la primavera che io non ho avuto mai. Ma ho solo queste parole, questa canzone per te ed un pensiero d'amore, la voglia infinita di averti. Lasciami il cuore perché il grande amore non conosce età. Una promessa che nascondo in una mano dice ti amo. Amore, amore, colorato fiore di lilla, ma tu fai in fretta che la primavera presto arriverà. Farà sbocciare col suo cielo un altro fiore, il nostro amore. Vorrei baciar la tua bocca e la mia bocca tu avrai, solo se in cambio frasi d'amore dirai. Ma ho solo queste parole, desiderio che in me gioca un intrigo d'amore e la voglia infinita di farlo con te. Amore, amore, colorato fiore di lilla, lasciami il cuore perché il grande amore non conosce età. Una promessa che nascondo in una mano dice ti amo. Fa in fretta che la primavera presto arriverà, farà sbocciare col suo cielo un altro fiore, il nostro amore. Amore, amore, colorato fiore di lilla, ma tu fai in fretta che la primavera presto arriverà, farà sbocciare col suo cielo un altro fiore. Allez, c'est la toute dernière, c'est pour vous. Correva l'anno del Signore e il mondo è cosa. E un giorno tu in bianco e rosa sei diventata la mia sposa. Tanti anni insieme son volati. Oggi 50 dal tuo sì, è il primo giorno del nostro amore. Comincia qua tanti anni fa la nostra età. Son tanti anni che è nato un fiore nel bel mese delle rose. Sarà però mio e te eternamente. Ricordo come ero contento, le nozze erano d'argento. Nipoti e figli tutti in coro. Restez bien sur les 91, sur le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. La radio la plus proche avec ce rendez-vous que je vous donne le mercredi, le dimanche et le lundi. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Sarai mia sposa di diamante. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.